Unité 25. Conversation. Écoutez. Allô, Pierre? Nous pendons la crémaillère le samedi 20. Ça te va? Tu es très gentille de penser à moi. Pourras-tu venir? Oui, je pense que je serai libre. Explique-moi comment je dois faire pour te trouver. J'habite maintenant rue Génère. Quel autobus je devrais prendre? Près de chez toi, tu as l'arrêt du 83. Oui, donc je le prends. Et où je devrais descendre? Tu devras descendre au terminus, place d'Italie. Et après? Quand tu seras à place d'Italie, tu prendras le 57. Et j'irai jusqu'où? Jusqu'à l'arrêt devant l'hôpital de la Pitié. C'est loin de l'arrêt du bus? Non, c'est à deux pas. La rue Génère commence à l'angle de l'hôpital. Répétez. 1. Allô, Pierre? Nous pendons la crémaillère le samedi 20. Ça te va? Deux. Tu es très gentille de penser à moi. Trois. Pourras-tu venir? Quatre. Oui, je pense que je serai libre. Cinq. Explique-moi comment je dois faire pour te trouver. 6. J'habite maintenant rue Génère. 7. Quel autobus je devrais prendre? 8. Près de chez toi, tu as l'arrêt du 83. 9. Oui, donc je le prends. Et où je devrais descendre? 10. Tu devras descendre au terminus, place d'Italie. 11. Et après? 12. Quand tu seras à place d'Italie, tu prendras le 57. 13. Et j'irai jusqu'où? 14. Jusqu'à l'arrêt devant l'hôpital de la Pitié. 15. C'est loin de l'arrêt du bus? 16. Non, c'est à deux pas. La rue Génère commence à l'angle de l'hôpital. Répondez, répétez. 17. Allô, Pierre? Nous pendons la crémaillère le samedi 20. Ça te va? 18. Tu es très gentille de penser à moi. 19. Pourras-tu venir? 20. Oui, je pense que je serai libre. 21. Explique-moi comment je dois faire pour te trouver. 22. J'habite maintenant rue Génère. 23. Quel autobus je devrais prendre? 24. Près de chez toi, tu as l'arrêt du 83. 25. Oui, donc je le prends. Et où je devrais descendre? 26. Tu devras descendre au terminus, place d'Italie. 27. Et après? 28. Quand tu seras à place d'Italie, tu prendras le 57. 29. Et j'irai jusqu'où? 30. Jusqu'à l'arrêt devant l'hôpital de la Pitié. 31. C'est loin de l'arrêt du bus? 32. Non, c'est à deux pas. La rue Génère commence à l'angle de l'hôpital. Écoutez. Antoine ira à la Comédie-Française, voir les Fausses Confidences. Pour aller rue de Richelieu, il devra prendre deux autobus. De la porte des Lilas à l'hôtel de ville, il prendra le 96. Quand il sera à l'hôtel de ville, il changera d'autobus. À l'hôtel de ville, il montera dans le 74. Quand il arrivera au Palais Royal, Il sera à la Comédie Française. Répétez. 33. Antoine ira à la Comédie Française, voir les fausses confidences. 34. Pour aller rue de Richelieu, il devra prendre 2 autobus. 35. De la porte des Lilas à l'hôtel de ville, il prendra le 96. 36. Quand il sera à l'hôtel de ville, il changera d'autobus. 37. À l'hôtel de ville, il montera dans le 74. 38. Quand il arrivera au Palais Royal, il sera à la Comédie Française. Répondez, répétez. 39. Penses-tu qu'Antoine ira à la Comédie Française? 40. Oui, Antoine ira à la Comédie Française, voir les fausses confidences. 41. Il habite à la porte des Lilas. Combien d'autobus devra-t-il prendre? 42. Pour aller rue de Richelieu, il devra prendre 2 autobus. 43. Quel autobus prendra-t-il de la porte des Lilas à l'hôtel de ville? 44. De la porte des Lilas à l'hôtel de ville, il prendra le 96. 45. Que fera-t-il quand il sera à l'hôtel de ville? 46. Quand il sera à l'hôtel de ville, il changera d'autobus. 47. Dans quel autobus montera-t-il à l'hôtel de ville? 48. À l'hôtel de ville, il montera dans le 74. 49. Quand il arrivera au Palais Royal, sera-t-il à la Comédie Française? 50. Quand il arrivera au Palais Royal, il sera à la Comédie Française. Écoutez. Que faisais-tu pendant que je téléphonais? Je te l'ai dit, je suis sorti pour acheter le journal. Peux-tu me le passer un instant? Non, je viens de le passer à Marc. Que voulait-il voir? Il voulait voir si son annonce était sur le journal d'aujourd'hui. Répétez. 51. Que faisais-tu pendant que je téléphonais? 52. Je te l'ai dit, je suis sorti pour acheter le journal. 53. Peux-tu me le passer un instant? 54. Non, je viens de le passer à Marc. 55. Que voulait-il voir? 56. Il voulait voir si son annonce était sur le journal d'aujourd'hui. Répondez, répétez. 57. Que faisais-tu pendant que je téléphonais? 58. Je te l'ai dit, je suis sorti pour acheter le journal. 59. Peux-tu me le passer un instant? 60. Non, je viens de le passer à Marc. 61. Que voulait-il voir? 62. Il voulait voir si son annonce était sur le journal d'aujourd'hui. 63. Paul a téléphoné. 64. Oui, il vient de téléphoner. 65. Que t'a-t-il dit? 66. Il a dit qu'il a fait bon voyage. 67. Quel temps a-t-il trouvé là-bas? 68. Il m'a dit qu'il a plu toute la semaine dernière. 69. Alors il est déçu. 70. Non, il m'a dit qu'aujourd'hui, enfin, il y avait du soleil. Répondez, répétez. 71. Paul a téléphoné. 72. Oui, il vient de téléphoner. 73. Que t'a-t-il dit? 74. Il a dit qu'il a fait bon voyage. 75. Quel temps a-t-il trouvé là-bas? 76. Il m'a dit qu'il a plu toute la semaine dernière. 77. Alors il est déçu. 78. Non, il m'a dit qu'aujourd'hui, enfin, il y avait du soleil. Écoutez. 79. Au courrier, y avait-il une lettre de Monsieur Duval? 80. Oui, on vient de me l'apporter. 81. Qu'écrit-il? 82. Il écrit que sa commande est arrivée en retard. 83. C'est tout? 84. Non, il est ennuyé parce que ses clients attendaient la marchandise. Répondez, répétez. 85. Au courrier, y avait-il une lettre de Monsieur Duval? 86. Oui, on vient de me l'apporter. 87. Qu'écrit-il? 88. Il écrit que sa commande est arrivée en retard. 89. C'est tout? 90. Non, il est ennuyé parce que ses clients attendaient la marchandise. Écoutez. Grand-mère nous a raconté que de son temps, les femmes ne votaient pas. Elles n'avaient pas les mêmes droits juridiques que les hommes. Elle a dit que les femmes ne pouvaient pas exercer tous les métiers. On ne pouvait pas imaginer une femme médecin ou avocat. Pour ouvrir un compte en banque, il lui fallait la signature de son mari. Grand-mère a dit aussi qu'une femme devait se consacrer à son mari et à ses enfants. Répétez. 91. Grand-mère nous a raconté que de son temps, les femmes ne votaient pas. Elle n'avait pas les mêmes droits juridiques que les hommes. 93. Elle a dit que les femmes ne pouvaient pas exercer tous les métiers. 94. On ne pouvait pas imaginer une femme médecin ou avocat. 95. Pour ouvrir un compte en banque, il lui fallait la signature de son mari. 96. Grand-mère a dit aussi qu'une femme devait se consacrer à son mari et à ses enfants. Répondez, répétez. 97. Que vous a raconté grand-mère? 98. Grand-mère nous a raconté que de son temps, les femmes ne votaient pas. 99. Les femmes avaient-elles les mêmes droits juridiques que les hommes? 100. Non, elles n'avaient pas les mêmes droits juridiques que les hommes. 101. Que vous a-t-elle dit encore? 102. Elle a dit que les femmes ne pouvaient pas exercer tous les métiers. 103. Pouvait-on imaginer une femme médecin ou avocat? 104. Non, on ne pouvait pas imaginer une femme médecin ou avocat. 105. Grand-mère, que vous a-t-elle raconté encore? 106. Que pour ouvrir un compte en banque, il lui fallait la signature de son mari. 107. Alors, que devait faire une femme? 108. Une femme devait se consacrer à son mari et à ses enfants.